Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Encore une fois, pour vous, j'ai parcouru Internet pour vous trouver des pièces gratuites. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission pour voir la playlist et télécharger des pièces. Donc, si ça vous intéresse, vous vous rendez au www.webmusique.org. Donc, c'est ça, cette semaine, je vous ai trouvé plein de bonnes musiques. J'ai une sélection quand même assez éclectique ce soir. On va écouter un peu d'électro, on va écouter du dub, même un peu de surf. Vous allez voir, c'est assez éclectique comme sélection. On va débuter avec des artistes qui sont sur l'étiquette californienne IVDT. C'est une étiquette qui vient de Oakland. Donc, vraiment intéressant. J'ai découvert ça aujourd'hui. Ils ont plein de trucs. Je pense qu'ils sont rendus à peu près à 72 albums qui sont tous téléchargeables gratuitement. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour de leur côté. Donc, on va débuter avec un artiste qui vient de San Francisco. Du nom de Puzzle, je vous fais passer sa pièce de Meeting. Puis ensuite de ça, un autre artiste californien du nom de Edison, je vous fais passer la pièce avec un nom très drôle qui s'appelle Band-Aids Eventually Fail, But Always Leave a Ring. Donc, on peut traduire ça par les plasters finissent toujours par lâcher, mais ça laisse toujours un anneau. Donc, c'est ça, je vous Dick Edison, son album est vraiment excellent, qui s'appelle Not What Ships Are Built For. Je vous invite à le télécharger, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est son début web musique avec Puzzle, la pièce de Meeting. ちょっと、 私の体を撫で回しているような感じがしてきた。ゾッと寒いものの急いで会場から逃げる。 C'était Edison, la pièce Band-Aids Eventually Fail But Always Leave a Ring. C'était sur son excellent album Not What Ships Are Built For. Je vous le recommande énormément. Donc, c'était Edison qui vient de la Californie. On avait débuté l'émission avec Puzzle, un artiste qui vient de San Francisco. C'était sa pièce The Meeting. Ces deux artistes-là se retrouvent sur l'étiquette IVDT, une étiquette qui vient de Oakland, en Californie. Puis, j'ai deux autres artistes à vous présenter qui sont sur la même étiquette. En premier lieu, on va entendre Quan, un artiste du Bronx. Quan, c'est le pseudonyme de Stephen Quartler. Donc, un artiste vraiment intéressant. Je vous fais entendre sa pièce Serious Jungle. Puis ensuite de ça, on va entendre Sombre Concern. Je ne sais pas exactement d'où est-ce que cet artiste-là vient. Je vais pousser un peu plus mes recherches. C'est pas trop évident. Il n'y a pas une grosse présence sur le web, donc je vais essayer de faire un peu plus de recherches. Donc, la pièce de Sombre Concern s'appelle Apollo Swing. Vraiment une très bonne pièce. Donc, c'est ça. Tout de suite, on écoute Serious Jungle par Quan. Thank you. C'était l'excellent Sombre Concern, un artiste qui vient de Budapest en Hongrie. Sa pièce s'appelle Apollo Swing. Je vous recommande son album, c'est vraiment excellent. Puis, si vous l'aimez vraiment l'album en téléchargeant, ben pourquoi pas faire un petit don à l'artiste. Je suis sûr que ce serait très apprécié. Donc, avant cette pièce-là, c'était Kwon, un artiste du Bronx. Sa pièce s'appelle Serious Jungle. Donc, ces deux artistes-là se retrouvaient sur l'excellente étiquette IVDT, une étiquette qui nous vient de Oakland, en Californie. Donc, pour poursuivre Web Music, je vous propose un artiste qui vient de Nantes, en France, un artiste qui donne dans le dub, du très bon dub, et qui est sur l'étiquette Al Dente Records. Al Dente Records qui vient de la France, une étiquette qui se spécialise dans le dub. Donc, l'artiste s'appelle Sushi Dread. Je vous fais passer sa pièce Siandati Boat. Vous recherchez une hygiène de vie? En devenant membre de CKRL, vous obtenez 10% de rabais au Centre de Yoga Québec. Renseignez-vous au 525-96-42. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575 poste 203 ou passez au 405 3e avenue ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Lundi, le 28 septembre, CKRL 89.1, la mine Kasi et le brasseur Cheval Blanc invitent les membres de CKRL à une épluchette de blé d'Inde. Les 100 premières personnes à présenter leur carte de membre obtiendront 2 blés d'Inde et une consommation gratuite. Nos cartes de membres seront en vente sur place. Je répète, lundi, le 28 septembre à 19h. Après le lancement de Fred Fortin. La mine Kasi du Faubourg, bière et culture, 811 rue Saint-Jean. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Touch Caroling, that's who escape now. Touch Caroling, that's who escape now. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en entre vos deux oreilles. Donc, avant la pause, on entendait un excellent artiste qui vient de Nantes, en France. Donc, l'artiste s'appelle Sushi Dread. Vous avez entendu sa pièce Cyan Daddy Boat. Donc, Sushi Dread qui se spécialise dans le dub, c'était sur l'excellente étiquette Al Dente Records, une étiquette française. Pour poursuivre l'émission, je me suis promené un peu sur Jamendo, qui est un excellent site qui offre des milliers de pièces gratuites. C'est un très bon moyen pour les artistes de pouvoir diffuser leur musique gratuitement. Donc, pour eux autres, ça leur coûte absolument rien. Ça permet d'être connu par vraiment la planète au complet. Donc, si vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas encore sur Jamendo, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Courez tout de suite sur ce site-là. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ça. J'ai débusqué deux artistes sur le site. On va débuter avec un groupe russe qui s'appelle Fauna. Je vous fais passer la pièce Dreamless. Puis tout de suite après, de Seattle, je vous fais entendre Lada Laika, un peu de 8 bits. Vous allez voir, c'est assez drôle. Je vous fais passer la pièce Constellations. Donc, à Web Music, on entend tout de suite Fauna, la pièce Dreamless. Thank you. Venez d'entendre la pièce Constellations par Lada Laika. Ça nous vient de Seattle, aux États-Unis. Donc, faites du bien, un petit peu de 8 bits. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas mis à l'émission. Je suis toujours friand du 8 bits. Ça fait vraiment du bien d'en avoir mis un tout petit peu. Avant ça, c'était un groupe russe qui s'appelle Fauna. Vous avez entendu la pièce Dreamless. Donc, c'était deux artistes que j'ai trouvés sur le site Jamendo. Je vous invite à aller faire un tour sur ce site-là pour découvrir plein de bonne musique. En parlant de découvrir de la bonne musique, ben j'ai toujours plein de bonne musique à vous offrir, musique gratuite. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous pouvez aussi y accéder via le site de CKRL qui est au ckrl.qc.ca. Vous allez dans la section programmation le dimanche à 21h et vous allez trouver toute l'information pour aller sur le site de l'émission. L'émission qui est aussi disponible en balado-diffusion, donc si vous manquez des petits bouts, ben c'est pas trop grave, vous pouvez vous rattraper. J'ai les archives depuis, mon Dieu, je pense 2008, depuis l'été 2008, même avant ça, je pense le mois d'avril 2008. Donc, vous avez toutes les archives de l'émission, donc vous avez des heures et des heures de musique gratuite. Là, on va aller dans un autre domaine complètement différent. Je vous fais entendre un peu de surf rock. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait jouer à l'émission, puis ça, j'avais un petit goût de ça. Donc, je vais vous faire passer un groupe qui vient du Brésil, de Dead Rocks. La pièce s'appelle La Terrible Malédiction de Toutankhamon. Puis ensuite de ça, un groupe du Mexique, Los Pegos Joyos. Je vous fais entendre la pièce Oi Voy a Loqueir. Donc, pour tout de suite, on entend The Dead Rocks. Castigo eterno para aquel que abra esta arca en nombre de Amon-Ra, el rey de los dioses. Dios mío, qué terrible maldición. Veamos lo que contiene. No lo haga. La maldición. Thank you. Vous venez d'entendre directement du Mexique Los Pegajosos, la pièce Oi Voy La Loquear. Avant ça, c'était un groupe brésilien qui s'appelle The Dead Rocks. Leur album est vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger. La pochette est aussi très belle. Un groupe qui se prend vraiment pas au sérieux. Vous allez voir en voyant leur pochette. Donc, leur pièce s'appelle La Terrible Maldición de Tutankhamon. J'ai encore une autre pièce pour vous. C'est pas vraiment du surf rock. Je pense qu'on pourrait plus appeler ça du rock garage. Il s'agit des Los Magnificos, un groupe qui vient du Mexique. Je vous fais passer leur pièce Dime Vaquero. Puis ensuite de ça, ça n'a aucun rapport avec le rock garage. C'est plutôt un mix de musique arabe et de, mon Dieu, de reggae. On pourrait appeler ça comme ça. C'est un album split par deux artistes. Donc, il s'agit de Deleu et Chaptage. Je vais entendre la pièce DJ et le reste, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le nom, c'est en russe. Donc, vous allez voir, c'est une pièce pas mal spéciale. Pour tout de suite, on entend Los Magnificos, puis ça va être suivi par Deleu et Chaptage. Donc, une pièce vraiment chargée. On entendait de la flûte irlandaise, de musique indienne, des trucs à saveur arabe, du drum and bass. C'est vraiment chargé. Donc, c'était la pièce DJ et le reste est en russe, donc je ne peux pas vous le prononcer. Puis, c'était donc Deleu et Chaptage. C'est un album split. Je vous invite à le télécharger. Il y a seulement, je pense, à peu près 5 ou 6 pièces. C'est vraiment intéressant. Avant ça, c'était du Mexique Los Magnificos, la pièce Dime Vaquero. Bon, ben c'est déjà tout pour Web Musique. Je vais vous laisser entre les bonnes mains de Jason Vlasak avec son émission Sodium Haute Pression. Je vous invite à rester sur les ondes. Jason a toujours de l'excellente musique. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Passez une belle semaine sur les ondes de CKRL. Bonne nuit. Brigitte Saint-Aubin vous invite à découvrir son tout nouvel album, Le rêve à l'envers.